Participez en grand nombre au Saint-Prime Open qui se déroulera cette année du 19 au 20 juillet au club de golf de Saint-Prime. Ayez la chance de jouer la mafia d'ouverture du 19 juillet ou le Saint-Prime Open Formule Vegas à 4 joueurs. Pour plus de détails, visitez la page Facebook du club de golf Domaine Lac-Saint-Jean ou contactez Roger Caron au 251-2831 poste 27. Pendant la belle saison, il survient parfois des avaries, comme l'infiltration d'eau. Pour tous travaux de construction ou rénovation après sinistre, faites confiance à ProNet, communément appelé GUS, de vrais spécialistes dans le domaine. Plusieurs véhicules d'urgence 24 heures sur 24, nettoyeurs d'air et de conduite de ventilation. Pour rejoindre les pros de ProNet, 418-679-4178. Monsieur Régent Côté souhaite la meilleure des chances aux équipes qui participent au championnat québécois de vélo de montagne ainsi qu'à la Coupe du Québec de vélo de montagne. Quand on veut se payer une bonne bouffe, le restaurant Midas est la solution. Les hot dogs, la pizza qui font le délice de tous. Le restaurant Midas est l'endroit préféré des camionneurs, menu à la carte qui comble tous les budgets. Le restaurant Midas au 1084 route 109 à Saint-Félicien, au numéro de téléphone 88-679-0900. Toute notre équipe souhaite la meilleure des chances aux organisateurs et aux équipes qui participent au championnat québécois de vélo de montagne en fin de semaine à Saint-Félicien. On va parler de football, de la Ligue canadienne de football avec notre ami Pascal Masson. Salut Pascal. Salut Dan. Pascal, avant de commencer de parler de la Ligue canadienne, je veux te parler de Joe Paterno. Pour les gens qui ne savent pas, Joe Paterno, qui ne connaissent pas, évidemment, au Québec, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît Joe Paterno, mais Paterno, c'est Monsieur NCAA, c'est probablement le plus grand entraîneur de l'histoire de la NCAA. Il a été 40 ans avec Penn State, mais à la fin de sa vie, l'histoire de Jerry Sandusky, qui a fermé les yeux sur un scandale sexuel. Sandusky, par la suite, a été reconnu coupable et maintenant en prison. Mais ça a jeté un petit peu une douche d'eau froide sur la carrière de Paterno. Donc c'est ça, Joe Paterno. Pascal, pourquoi je veux t'en parler? Parce qu'il y a eu un film qui est sorti récemment avec Al Pacino. C'était un film qui était très attendu, en tout cas pour les amateurs de football et ceux qui ont connu Joe Paterno. Et il est sorti en avril et je pense qu'on peut le voir à super grand. Et moi, je me propose de le voir demain, sauf qu'il y a des gens qui l'ont déjà vu cette semaine puis m'en ont parlé. Et ce qu'on raconte de sous Paterno, c'est pratiquement l'histoire de Jerry Sandusky. Pascal, si t'es un réalisateur de film, est-ce que tu parles de la carrière de Joe Paterno ou tu parles seulement de l'histoire de Jerry Sandusky? Ben, tout dépendamment du message qu'on veut passer. Moi, j'ai eu la chance, en tout cas, à ce moment-là, c'était une chance de rencontrer Joe Paterno. Ah oui? Moi, j'avais été invité à leur camp d'entraînement à Penn State, il y a de ça plusieurs années, là, avant que le scandale sorte. Et justement, dans les années où on connaissait Penn State pour les bâtisseurs de linebackers de la NFL puis de la NCAA, donc j'ai été présent pendant tout près d'une semaine au camp d'entraînement de Penn State. J'avais côtoyé Joe Paterno, j'avais eu la chance de le voir. Okay. De le voir agir avec ses joueurs, c'était franchement impressionnant de voir cet homme d'un certain âge là, coaché encore à ce moment-là, qui doit mesurer peut-être 5 pieds 5 bien étiré. On monte à quel âge? 92 livres. On monte à quelle année, Pascal, à peu près? De tout ça, je te dirais, c'est environ en 2004-2005. OK. Et puis, par la suite, là, les scandales ont sorti. Et pour moi, bon, le réalisateur, je ne sais pas là, exactement c'était quoi l'objectif de tout ça, mais malheureusement, ce geste-là, cette histoire-là, doit prendre le dessus sur une carrière aussi bien, autant de succès qu'elle a pu avoir. Ce geste-là est impardonnable. Ah ouais, c'est et sûr. Malheureusement, c'est l'ombrage que cet homme qui est Joe Paterno va avoir pour toujours. Mm. Et c'est puis moi je pense que c'est plus que légitime parce qu'on jamais on n'était pas dans ces shorts là à ce moment-là. Ouais. mais on essayait d'étouffer des scandales. Puis elle, écoute, Joe Paterno, ça en est un. Les Penn State, ça l'était, mais on en entend parler aussi de beaucoup de scandales que les universités ont essayé de camoufler, d'étouffer à travers les années. Et pour moi, on peut pas protéger ce genre d'action-là. Mais c'est triste pareil. Ah, c'est plus que triste. Il faut penser aux jeunes hommes, aux jeunes hommes qui ont dû subir ces foudres-là d'un déviant. Et puis, bon, Sandowski paye aujourd'hui. Il va payer pour le reste de sa vie parce que c'est fini. Là, c'est ta vie pour lui. Là. Mais je veux dire, c'est triste. Et je veux dire... C'est pas normal, tu sais, ça devrait pas arriver, ces affaires. Non, je suis d'accord avec toi. En tout cas, les gens peuvent le voir, c'est avec Al Pacino, c'est un super écran. Tu l'as-tu vu, Pascal, ou... Non, je l'ai pas vu. Écoute, j'ai suivi à travers les articles et tout ça, j'ai pas vu le film. OK. Mais on va sûrement prendre quelques heures là, pour aller voir ça. OK. Pascal, les Alouettes sont en congé. Quand on a une semaine de congé de même, les joueurs se reposent, j'imagine. Mais pour Mike Sherman, il y a pas de repos. Hein? Non, pour les entraîneurs, là, Mike Sherman et les coordonnateurs particulièrement, il y a pas vraiment beaucoup de repos. On va peut-être leur donner, mais tu sais, même à ça, même si on donne un week-end pour se reposer, il n'y a pas un entraîneur en ce moment qui veut prendre ça off, parce que il faut comprendre aussi que c'est leur pain et leur beurre. Hein. Ils doivent être en mesure de redresser l'équipe qui doit être prêt pour Calgary. Donc, c'est pas facile à Calgary en plus de ça. C'est pas facile. À Calgary, en plus de ça, on a vu Calgary de la façon... Tu sais, Calgary est une des organisations que toute équipe devrait prendre exemple de comment faire durant ce qu'on appelle le bye week, là, de la semaine de congé. Et je pense qu'ils sont à 15 ou à 16 victoires d'affilée avec la victoire de hier contre Ottawa après une semaine de repos Calgary. Donc, qu'est-ce qu'on fait de spécial? Ce qu'on fait de spécial, là, c'est qu'on a deux semaines pour se préparer contre une équipe qu'on connaît. OK. Tu sais, c'est pas une surprise, c'est pas comme un bye week dans les séries éliminatoires où on repose nos joueurs pour les petits bobos, puis on verra qui on affronte après la victoire. Là, on le sait, on l'a su après la défaite de la semaine dernière contre Ottawa, qu'on jouait dans deux semaines Calgary. Donc, on a déjà commencé à étudier les bandes vidéo des dernières semaines. On peut aussi profiter de ces semaines-là pour amener des choses qu'on n'a pas faites depuis le début de l'année, soit des formations, soit des stratégies. Il faut être en mesure d'arriver et que ça paraisse qu'on soit plus préparé que l'autre équipe qui ont seulement une semaine de préparation contre nous. OK. Donc, et là, ce soir, pas ce soir, mais toi, tu irais-tu avec Matt Shields, Jeff Matthews ou encore Vernon Adam? Là, Matt Shields va être éligible à revenir. Tu vas-tu avec Shields? Ben, moi, je pense que, personnellement, là, après avoir vu Winnipeg, comment ils ont géré Nichols, je trouve ça intéressant. Je pense qu'on devrait avoir... Tu sais, on a essayé de le faire comme deux jeux pendant le match là, avec Adams, ou un ou deux jeux où on l'a embarqué puis on l'a sorti. Mais Nichols puis Straveller à Winnipeg, c'est Nichols qui a joué le plus longtemps tout le match, mais Traveller est quand même embarqué pendant 5 jeux ou qui a couru un peu, a lancé des passes. Donc, on devrait essayer d'utiliser un peu, justement, on a 2 semaines là, pour entrer un petit package pour Adams où on va le faire peut-être un peu plus bouger, mais lancer le ballon aussi pour surprendre l'équipe. Moi, je pense que j'y retournerai quand même du côté des Alouettes là avec... Avec Matthews pour... tu sais, c'est quand même son premier match. Ouais. Il a pas mal fait. Il a connu une bonne première série particulièrement. Et par la suite, bon, ça a été un peu plus difficile. Mais encore une fois, ça a été plus difficile parce que... tout simplement parce que il était T'sais, on n'a pas été capable de courir, on l'a pas protégé, ainsi de suite. Fait que même si on change de corps, là, je pense pas que c'est l'idée est là. Moi, je pense qu'il faudrait essayer peut-être de bâtir un peu avec Jeff Matthews. J'ai pas eu de dernière nouvelle là, de la blessure. Matt Shields. Non, pas de Matt Shields, de Willie, de Drew Willie. Ouais, ok. Bon, on n'a pas eu de développement. Ce qu'on entend sur Drew Willie, c'est que c'est pas impressionnant. C'est ça qu'on entend. Donc, je pense que Willie, tu me corriges si je me trompe, si Matthews fait un peu mieux, je pense qu'on sera pas tellement patient avec Willie. Hein. Ben, c'est ça, mais tu sais, je suis en train de me demander si est-ce que la stratégie du côté des Alouettes sera, parce qu'il faut pas oublier que c'était quand même Joe Willie qui était le corps partant. Partant quand on a gagné notre seul match à date. Mm. Est-ce qu'on va vouloir le rembarquer? Mais en effet, peut-être qu'on sera moins patient. Mais j'ai pas eu d'écho par rapport à sa santé, mais moi je dirais avec Matthews pour au moins du moins lui donner une deuxième chance. J'ai quand même aimé sa posture, son comportement. On appelle ça body demeanor là, en anglais, où on regarde son expression corporelle. Tu sais, il semblait quand même assez confiant. A forcé quelques bons coups, mais on s'entend pour dire que le résultat là, le pointage n'affiche vraiment pas. La qualité du match qu'on a eu du côté des Alouettes, parce que c'était encore une fois c'est très pathétique. Ouais. Pascal, en terminant, il n'y a pas juste à Montréal qu'il y a des problèmes. À Vancouver, on a remplacé Jason Jennings par Travis Lulley. C'est Lulley qui va partir demain à Winnipeg. Donc, il faut te dire qu'il faut quand même se consoler, là. Ouais, mais sauf c'est ça, là, ça a été assez surprenant de voir les Lions se sont fait complètement anéantir par Winnipeg. Puis pourtant, les Lions, ils ont une équipe qui me semblait être respectable, mais en effet, Jonathan Jennings a à peine complété pour 100 verges contre Winnipeg pour deux interceptions. Écoute, ça passe la plus longue, 12 verges. Ça ressemblait presque à Drew Willie, là, son affaire, mais avec des interceptions. Et là, on tente là, de brasser les cartes un peu. Mais moi, je te dirais que je prendrais Jonathan Jennings, par contre, dans mon équipe. Oui, c'est peut-être juste une question qu'on veut brasser les cartes, on veut le réveiller. Il faut faire attention hein, avec les Lions, hein, parce que l'année passée, il faut se souvenir, il y a 2 ans, Jonathan Jennings a connu toute une saison. Mm. Puis l'an passé, ça a été plus difficile. Puis là, on a commencé à le mettre sur le banc, puis à jouer. C'est un jeune corps qu'on veut développer, mais il ne faut pas... Non, jouer mentalement. Il faut pas détruire sa confiance, là, parce que... C'est comme un gardien de but au hockey. C'est à peu près la même affaire. Il ne faut pas jouer dans la tête de ces gars-là. Pascal, on se reparle la semaine prochaine pour avant le match à Calgary. Excellent, mon ami. Le collaborateur Pascal Masson.